Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. C'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième et nouvelle édition de votre émission retraçant l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Lors de la dernière émission, nous avons parlé de la naissance du cinéma et comme je vous l'avais promis en fin d'émission, je vais vous parler aujourd'hui plus en détail du cinéma muet, de ses précurseurs et de ses personnalités qui ont fait les belles années de ce genre de cinéma. Les dénominations cinéma muet et film muet ne datent que des années 1930. Le cinéma muet se caractérise de plusieurs spécificités. En effet, ce style de cinéma se caractérise par l'absence de dialogue enregistré sur un support mécanique comme un disque ou une pellicule qui aurait permis leur enregistrement, leur transport dans une salle et l'audition par les spectateurs venus dans la salle pour le film en même temps qu'ils regarderaient les images. Le cinéma muet se caractérise également par l'absence de musique, de son enregistré ou d'ambiance sonore enregistrée sur un même support. C'est pour cela que les 70 premiers films de Thomas Edison ou de William Kennedy Laurie Dixon, de 1891 à 1895, sont tournés sans le moindre son, avec le kinétographe et présentés au public grâce au kinétoscope qui était un appareil de visionnage individuel. Autre exemple. Les films de Auguste et Louis Lumière, filmés et projetés sur grand écran grâce au cinématographe et à partir de 1895, sont également des films muets et leur durée est équivalente aux films américains, soit 30 à 60 secondes. Faisons maintenant un petit retour en arrière et retournons en 1892 où Émile Reynaud, dont j'ai parlé dans l'émission précédente, qui fut le premier à organiser des projections de petits films animés sur grand écran, a proposé l'idée qu'un spectacle d'images animées se doit d'être accompagné d'une musique afin de retranscrire l'ambiance et afin d'expliquer les non-dits. Devant la caméra, au spectateur venait assister à la projection. C'est lui qui a commandé les premières musiques de cinéma et les premières bandes originales au pianiste Gaston Paulin pour qu'il vienne les jouer à chaque séance. Pour parler un petit peu de l'âge d'or du cinéma muet, il faut remonter à l'année 1908 qui marqua plusieurs étapes dans le progrès du cinéma. En effet, le premier film de David Wark Griffith, ou plus simplement D.W. Griffith, né le 22 janvier 1875 à Crestwood, dans le Kentucky, et décédé le 23 juillet 1948 à l'âge de 73 ans à Hollywood, et intitulé Les Aventures de Dolly, et sorti cette même année, fut le cobaye d'une idée révolutionnaire dans le monde du cinéma de la part du réalisateur qui a importé de la littérature et a fait alterner des récits à l'intérieur d'une même histoire. Celles-ci racontaient, les unes après les autres, les péripéties liées à chacun des personnages de cette histoire. Ce qui supposa en effet d'écrire un scénario. D.W. Griffith fut le deuxième à avoir cette idée. En effet, le premier fut Georges Méliès, dont j'ai parlé également dans l'émission précédente, qui fut le premier à rédiger des notes précises avant de tourner. Ces films utilisant des trucages comme l'arrêt de la caméra qui l'oblige à prévoir minutieusement toutes les étapes. Cependant, les récits sont toujours très linéaires et suivent l'ordre du temps sans modification. Quand Griffith s'est lancé dans le cinéma, c'était seulement pour écrire des sujets de films ou quelques lignes sur les films en question pour la somme modique de $5. Au fur et à mesure du temps, ces lignes se sont transformées en synopsis. Cependant, encore aujourd'hui, des films muets sont tournés. Ces films que nous pouvons appeler films muets modernes, comme le film intitulé « La dernière folie de Mel Brooks », réalisé par Mel Brooks lui-même, est sorti en 1976, qui fut un long métrage en couleur, dans lequel la seule réplique audible fut un nom prononcé par le mime Marceau, qui n'est apparu dans le film que pour cette seule et unique réplique. En 1989, l'acteur et réalisateur américain Charles Lane a réalisé et interprété « Sidewalk Stories », qui fut un film muet en noir et blanc. En 1999, le réalisateur finlandais Aki Kaurismäki réalise le film Jua, qui est un remake muet d'un classique du cinéma finlandais. Toutefois, dans ce film, nous pouvons y entendre des chansons. En 2011, le réalisateur français Michel Hazanavicius réalise le désormais célèbre The Artist avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo, qui est un film en noir et blanc, muet, ayant obtenu de nombreuses récompenses cinématographiques. Cependant, ce film n'est pas totalement un film muet, car nous pouvons y entendre de la musique, et vers la fin du film, quelques répliques qui le classent donc avec ambiguïté dans le cinéma sonore. Ce film, que nous pouvons tout de même considérer comme un muet malgré tout, l'est surtout dans son thème. Passons donc maintenant à quelques grands noms du cinéma muet ainsi qu'à quelques grands films de ce style. Nous avons tout d'abord le mondialement connu Charlie Chaplin, né le 16 avril 1889 à Walworth, à Londres, et décédé le 25 décembre 1977 à Corsay-sur-Vevey, en Suisse. Parmi ses grands films, nous y retrouvons Le Kid, sorti en 1921, Les Temps modernes, sorti en 1936, ou encore Le Dictateur, sorti en 1940. Toutefois, bien que ce soit des films muets, de la musique et des sons furent rajoutés en post-production. Nous pouvons également parler de Lillian Gish, née le 14 octobre 1893 à Springfield dans l'état de l'Ohio et décédée le 27 février 1993 à New York. Lillian Gish était une actrice ayant joué notamment dans Naissance d'une nation, sortie en 1915, ou encore dans Le Lys brisé, sortie en 1919. Un autre acteur que nous pourrions placer dans cette catégorie n'est nul autre que Lon Chaney, né le 1er avril 1883 à Colorado Springs, dans le Colorado, et décédé le 26 août 1930 à Los Angeles. Cet acteur a joué dans le film mondialement connu Notre-Dame de Paris, sorti en 1923, et dans le non moins mondialement connu Le Fantôme de l'Opéra, sorti en 1925. Pour terminer notre petite énumération, nous pouvons citer l'actrice polonaise Paula Negri, née le 3 janvier 1897 à Lipno en Pologne et décédée le 1er août 1987 à San Antonio au Texas. Paula Negri a joué dans le film Passion, sorti en 1919, ou encore dans Paradis défendu, sorti en 1924. C'est ainsi que se termine cette deuxième édition de La Cristoire du cinéma. Dans la prochaine émission, nous parlerons de la naissance du cinéma parlant ainsi que de ses précurseurs. Si cette émission vous a plu, vous pouvez donner votre avis sur notre page Facebook Radio Gamozo ou nous appeler au 03 29 62 40 40. Je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Je vous remercie de votre fidélité à Radio Gamozo et je vous souhaite une bonne journée. C'était Chris. À très bientôt.